travail toute la semaine. Où est ça la vie capotée? Tous les jours c'est tête chargée. Problème tracade tous les jours. Mais j'en dérive. J'arrive à passer l'un jour avant moi. Soulier en moi j'assure. Pour moi aller souké. Souké, souké. Si me pas zouke, si me pas zouke, manke malade.